Ambulance. On roule prudemment. Des virages, des nids de poules, des dos d'âne, je serre les dents. Par la vitre arrière, un flash bleu ponctue la nuit. Son pouls est régulier, ramure des arbres, panneaux de signalisation, quelques maisons. Vous avez votre carte vitale? Vous avez une mutuelle? Ils ont sanglé mon corps sur le brancard. Je peux juste indiquer de l'index le petit sac rouge à mes pieds. Un rond-point, je serre les dents. Le flash bleu, toujours. Le clignotement des guirlandes de Noël. Des lampadaires. Bientôt arrivé. Vous vivez seul? Oui. Quelqu'un pourra vous aider après? Le fourgon s'arrête. Les portières s'ouvrent à l'arrière. Les deux ambulanciers descendent de mon brancard et roulent jusqu'aux urgences. Une télévision est accrochée au mur. Une soprano y monte dans les aigus. Mon corps se contracte. Je serre les dents, empoigne le brancard. « Vous supportez la morphine ?» me demande un infirmier. « Oui. Une dose de cheval, s'il vous plaît. » Gilles Roqueton, bonheurdujour.net.